See the future. How will the future be? I sometimes do remember the future. You know, I don't really like to think about the future too much. I'll do it now for you, but it will be naturally advanced, that it will become more integrated, and we will see things that might in the present moment seem I think it's going to be a change, for sure. Unfortunately, it's not going to be like it was before. So I think it's going to be... Those very things feel more like a genie that escaped from the bottle. Our present is haunted by an absence of future. Not because there won't be any, but because we imagine it apocalyptic. I'm always fairly optimistic as well. But what I realise, the older I get, is that few people share that kind of excitement for the future. And that kind of freaks me out a bit. We'll just be left with words, just emotional blobs. We'll be like poets living in a simulation. The future will be the same in all the ways that matter, and different in all the ways that do not matter. For this reason, I really like every day to start from the silence. I think the only thing we stand a chance at controlling is ourselves. I would say even that is anything is possible. Day-to-day. For me, I see the future very much like it is in the movies. I feel like... I even never thought about the future. Ahead of the now. Every don't foresee the future. Ils viennent de Copenhague et ils ont fait les belles nuits des clubs au début des années 2010. Les Daphanix, Shake Your Booty. Shake Your Booty. Shake Your Booty. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. La nuit des temps, l'international de la danse. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. kill anyone to be popular, sell a soul to be popular, popular, just to be popular. Everybody scream cause she popular, she mainstream cause she popular, never be free cause she popular. Ce fut ma fée adorable. Puis je vous baise les mains, puis je vous baise le front. Je m'empare de toi, mon amour. Je te presse absolument nue contre moi. Célèbres pour leur collaboration avec des grands noms de la pop. Groove Armada, ça coquine ici avec Brian Ferry. Alors tout de suite, c'est ambiance littéraire et Dandy's Club. Nous sommes en 2010. Once upon a time, there was a little black girl in the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout, and her modeling career took off. You better work. De Manhattan, les débuts de Drake Race à la télé, c'est lui aussi. Voici RuPaul. Linda, word mom, Naomi, she is big. Christy, foxy lady, out of sight. Cindy, I can feel it. Claudia, sell the gun. Nikki, work the runway, sweetie. I have one thing to say. Sashay, Shantae, Shantae, Shantae, Shantae, Shantae, Shantae. One thing to say, you better work. Carbo, Merlin, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol. Hier encore, j'ai cherché les exemples dans ma vie. J'ai trouvé qu'une poignée de gens en or. Pas de peur, j'ai souri quand je me suis dit qu'il existait là quelques-uns qui parlent fort. Mort ou vivant, je les entends me guider. Fort et vibrant, je les ressens me parler. Sont-ils encore là, même sous la honte et les crachats? Dites-moi comment répondre à tous ceux qui font comme si ça n'existait pas. Aidez-moi à sortir l'arc-en-ciel qui sombre encore et toujours sous les gravats. Je les entends me parler, je les entends me crier. Je ressens tous ces hommes qui m'ont permis d'accepter que je suis aujourd'hui le plus beau des Rimbaud, Merlin, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol font partie de ma vie, me libèrent de mes ennuis. Rimbaud, Merlin, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol font partie de ma vie. paroles font partie de ma vie. Me libère toutes mes envies. Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol font partie de ma vie. Me libère toutes mes envies. Expérimentale des Junior Boys est super puissante. Danse, silence et redanse. C'est notre PowerPlay de la semaine. La nuit des temps, Radio Duo. My feelings start to wobble when I stare at doves. I'm fighting through life, I have no boxing gloves. I punch my way through hell, what other choice can I chose? The puppet strings tug from my head to my toes. I said the world is getting salty, that's the way that it goes. It's Sodom and Gomorrah, Vogue, strike a pose. My way through demons, mama told me give them hell. Dancing in the darkness, I'm the boy inside the well. Grab, grab, grab for any piece of my part. Stab, stab, stab, there goes the beat of my heart. Pump that thing right back, cause damn, what else can I do? I can wait here for Godot, or pick my legs up and move. They only let me whimper when I'm crying to a groove. It's a wild west. Life's a saloon. Tick tock, let me sing. Tick tock, tick tock, set me free. Run the clock, I'm trying to fight the time. Just another day in the east, aching. I gotta wear the weight on my sleeve like a bracelet. Shit you can't replace for the cheese. It's different every phase, why I peep, be patient. It ain't every race that you leave complacent. But only if I change, I'll be free from the chamber. Something I can gain from the breeze. I've never seen a face of relief, just a payment. Just another day in the east, aching. I gotta wear the weight on my sleeve like a bracelet. Shit you can't replace for the cheese. Obenjiar est né au Nigeria. Il vit à Londres depuis l'âge de 17 ans et sa musique est un mélange d'afrobeat, de spoken words, d'électro et de dance. Et c'est juste cool. What they like to the people, why the world is so evil? Why can't you cool? Just let me cool. Walking explosives, stressing all of the time. Why can't you cool? Just let me cool. Don't sucker, sucker. Don't take me for no sucker. I just want to cool. Just let me cool. Don't sucker, sucker. You're such a motherfucker. Just let me cool. I just want to cool. Hey. your son doorstep. Don't let me tip off your shoes. Keep my house clean. Spread your silence for all them that breed disease. The government man keeps smothering. It's so hot. Alex Abrash a enregistré cet album de Josuane Joshua. C'est lui qui avait masterisé des lives de Marvin Gaye ou James Brown il y a quelques années. Voici de la soul en bar, c'est mieux que le Louvre, et on est en 2025. When I got home last night. Well, you know me and the Late Show. I sure do. Time flies by. est 22h sur Radio Duo. Eh ben ouais, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Les murs résonnent encore de la voix ensorceleuse de Teresa Teng. Elle venait de loin, Teresa. Elle venait de Taïwan. Et puis nous avons également accueilli Michel pour son groovy Sunrise. Et Brandt, Brouwer, Frick, qui nous disait ce truc un peu dingue. Eh ben ouais, un futur est possible. Ou encore les Daphonix avec leur gymnastique musicale sur un tapis de sol à la mousse épaisse. Très très épaisse. Pas de risque non plus de chute avec The Weeknd. Populaire, ultra populaire. Et puis il y avait également Junior Boys qui était notre powerplay de la semaine, c'est-à-dire en double dose pour une musique dance et expérimentale à la fois. Et après les bizarreries de Junior Boys, eh bien le groove Armada a repris de plus belle et nous racontait qu'il n'avait pas honte de tant de plaisir. Pareil pour RuPaul, la reine de Manhattan, qui aura tant fait pour le clubbing et la culture drag queen. RuPaul, qui faisait partie de la liste de référence si chère à Eddie de Préto, entouré de Jean Genet, Verlaine et Rimbaud. On a également accueilli Genesis Owusu et Jason Joshua. Ou encore les bien nommés Saint-Étienne, qui ont sorti un nouvel album cette année, qui rêve et qui rêve de venir jouer un jour à Saint-Étienne. Qui ferait venir ces petits Anglais ici, hein? Let's turn it on. On laisse tourner la machine. Et elles sont là. Elles sont de retour. Elles sont là, en pleine forme. Et elles dansent. Ce sont les démineuses. Je sais pas, comme s'il y avait un truc à fêter. Elles vont prendre le relais dans quelques minutes avec toutes les news qu'il faut connaître sur Saint-Étienne. Et nos trois étoiles qui dansent dans le studio. Eh bien, elles sont aussi fantastiques que les étoiles qui sont dans le ciel de Saint-Étienne. Et elles brillent, ces démineuses. Elles brillent. Elles brillent. Elles brillent. Encore 5 minutes de bonus, le temps de s'installer. Buona notte. Salut.